Et maintenant, la capsule de Doris, qui s'appelle donc « Ne laissez pas traîner vos instruments ». Surtout pas. Un, deux. Coucou. Ne laissez pas traîner vos instruments, épisode 2. T'as vu quoi comme concert ? J'ai vu qu'il y avait un monsieur qui faisait de la... qui gonflait un grand château gonflable. Et après, il mettait des flûtes. Et après, ça faisait du bruit. Et t'as kiffé ? Ça veut dire quoi ? Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben, il parlait pas. C'était juste les flûtes qui faisaient du bruit. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous êtes qui ? Moi, je suis Lucas Declercq. Et moi, Arthur Chambry. Et vous jouez dans un ensemble ? Non, pas vraiment. On joue dans un contexte où notre pièce sont dans le même endroit. Grâce à une proposition de Archipel Festival qui ont mis ensemble pour montrer notre pièce. Donc vous jouez pas d'habitude ensemble ? Non. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble et en fait, il y a trois solos qui sont réunis dans une même pièce et nous on a travaillé à faire en sorte que ces trois solos coexistent. Et vous trouvez ça compliqué de travailler en groupe ? Vous trouvez ça plus simple de jouer solo ? C'est toujours compliqué de jouer avec des gens s'il n'y a pas une partition. Il faut avoir une belle relation avec les gens que tu joues avec. Leur faire confiance, comprendre le langage de la musique de ces personnes que tu joues avec, ça prend du temps. Pour moi, en tout cas, c'est un truc qui est aussi très personnel. Et solo, bah, c'est juste toi, c'est peut-être un peu plus effrayant d'être seul sur un podium. Mais c'est très intime aussi, j'aime bien. J'aime mieux, c'est très intime. Moi j'aime bien les deux. Tu vois, j'aime bien les projets solo parce que je me sens très libre de faire les propositions que j'ai envie, de faire comme je veux. Et j'aime bien les projets à plusieurs, en groupe, parce que l'autre permet plein de choses que toi tu peux pas faire. Si je joue avec une violoniste, moi je sais pas jouer du violon et elle peut jouer du violon pendant que moi je fais de la percussion et c'est super. Et en même temps c'est un challenge de cohabiter avec l'autre, de se dire bon bah toi tu as telle personnalité, tu aimes tel type de musique, moi j'aime ça, comment est-ce qu'on fait cohabiter les goûts et les envies quoi. Et c'est ça, moi je trouve que c'est un beau challenge. J'aime bien la musique aussi pour ça, pour les rencontres que ça peut provoquer. À l'heure. Et c'est quoi vraiment que vous jouez sur scène ? On dirait un peu des trucs faits maison, comme ça, c'est... Tu parles au niveau de notre musique ou de nos instruments ? Plutôt de vos instruments. Ah, les instruments, en tout cas pour ma part, c'est des instruments que je construis. À part la trompette que t'as vue et le mélodica que je joue au pied là, avec des gonfleurs, c'est des instruments que je construis qui sont soit des flûtes, des longues flûtes qui font 3 mètres et du coup c'est des flûtes qu'on appelle des flûtes harmoniques, c'est-à-dire que suivant la pression et le débit que tu mets, tu peux atteindre différentes notes sans avoir à boucher des trous. Et moi j'en joue avec des gonfleurs qui sont normalement des gonfleurs pour gonfler des matelas et en fait les gonfleurs gonflent des poumons artificiels qui alimentent les flûtes. Et sinon, il y a ce backpipe là, cette espèce de sac à dos cornemuse qui est en fait une réserve d'air, qui est un ballon de yoga. Enfin, je dis un ballon de yoga, mais c'est pas ça, un ballon en tout cas pour... Je sais pas vraiment pourquoi on les utilise, mais... Et en fait, ce ballon, il y a deux pipes, donc deux clarinettes. Enfin, je ne sais pas comment on les appeler. Je n'ai jamais trop appelé mes instruments. Mais en tout cas, c'est un objet qui me permet d'être un peu déambulant et d'avoir deux drones, deux sons continus que je peux moduler en fonction de la longueur du tube. Donc voilà un peu pour la description de mes instruments. Après, moi, je suis un peu partagé entre les vents et les percussions quand même. Mais tu as aussi fait du chant, là ? J'ai aussi fait du... C'est un instrument... Ah non, c'est à cordes, la voix. C'est les cordes vocales. Avant aussi, oui, c'est vent et cordes. Mais c'est vrai. C'est une haute voix. Ah oui ? Internale. Ah oui, d'accord. Là, dans la pièce qu'on montre ce soir, c'est une installation que j'ai faite il y a quelques années. Et c'est une sorte de gonflable énorme qui est un jeu d'enfant, en fait. Avec des ballons qui flottent et il faut guider les ballons avec un courant d'air, et je le réapproprié pour mettre plein de tubes et créer une sorte d'orchestre des flûtes à bec énorme. Et les flûtes à bec sont que des flûtes à bec qui sont données par des gens qui ne l'utilisent plus. Donc là j'ai fait un grand... Tu les ressuscites un petit peu, tu les fais vivre, tu les refais vivre. Ouais. Mais du coup, vu cet contexte, je fais un son qui est assez intense, très aigu. Et c'est un peu cet contexte qui décide le son que je fais. Donc voilà. Et après, mon recherche actuelle, pour déjà quelques années, c'est sur un autre instrument qui est l'aulos. C'est un instrument avec deux tuyaux. Avec des anges doubles, c'était ancien, grec et romain, et c'était un peu un instrument perdu. Et là, j'essaie aussi de réimaginer cet instrument à ce moment. Et par rapport plus à votre apprentissage par rapport à la musique, est-ce que vous faites de la musique depuis longtemps ? Et est-ce que si vous avez appris plutôt dans un apprentissage plutôt classique, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la musique expérimentale ? Moi, je suis commencé à faire de la musique grâce à l'aulos, cet instrument que j'ai parlé. Avec l'école et tout, j'ai appris de travailler le son et de faire des installations, des performances. Et il y a des instruments qui m'ont invité de devenir musicien. C'est comme ça. Ben moi, c'est amusant parce que je viens à la base de la musique électronique. Moi, je suis un grand fan de toujours, enfin moi j'en écoute moins, mais j'étais un grand fan de hip-hop des années 80. Du coup j'ai commencé avec un ordi, avec un programme Fruity Loops sur l'ordi. Et c'est à 17 ans, à cet âge-là, que je me suis mis à faire ça. Et en fait je suis passé par plein de phases dans la musique, parce que je pense que je me suis beaucoup cherché. Je crois que je continue à me chercher. Et j'ai fait un album de pop un peu nul, avec de la musique électronique, des synthés et tout. J'ai beaucoup de mal à le réécouter. Mais c'est ma trajectoire, je suis passé par là. Et là, du coup, en fait, je suis tombé complètement obsédé par la pratique instrumentale il y a 5 ans. Et du coup, je me suis rendu compte de la nécessité que j'avais à employer mon corps pour produire des sons. Et du coup, après, la conception d'instruments m'a amené à un peu, on va dire, concevoir des outils, des instruments qui vont appeler un investissement physique, qui vont, tu vois, je suis en train de gonfler des trucs, de souffler, il faut que j'éprouve. Et je pense qu'on a un point commun là, c'est que avec Lolo, il y a un truc aussi hyper physique, quoi. Il y a un truc que, à la fin, tu vois, tu transpires et et moi j'ai besoin de sentir ça, de sentir qu'il y a eu un effort un peu. Et qu'il y a eu, après il y a une technicité qui se trouve aussi avec le rythme, aussi la trompette, ça demande de muscler tes lèvres, tu vois, bon. Et aujourd'hui je suis encore complètement obsédé par ça et fasciné par le bien que ça me fait aussi. Ouais, voilà. Bah voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Ben merci à toi. Des fleurs. Voilà, c'était la capsule de Doris qui s'appelle donc Ne laissez pas traîner vos instruments avec Arthur Chambry, une interview de Arthur Chambry.